إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui de méditer sur certains récits des communautés passées qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnés dans le Coran. Nous avons vu dans les cours précédents quelques récits concernant le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Et il faut savoir qu'après Adam alayhi salam, les hommes sont restés durant plusieurs siècles sur la voie de vérité. Ils étaient tous unis sur le monothéisme pur et ne vouaient leur culte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, seul en dehors de tout autre que lui. Par conséquent, le diable, qui a promis de tout faire pour égarer les hommes, chercha alors un moyen de les faire dévier du droit chemin. Il a donc saisi l'occasion de la mort d'hommes vertueux qui attrista beaucoup les gens du peuple de Nuh, alayhi salam. Après la mort de ces hommes vertueux, il vint alors aux gens en leur suggérant de faire des statues à l'effigie de ces morts, sous prétexte de se rappeler d'eux, de se rappeler de leur piété, de se consoler. Ils le suivirent en cela, et ceci fut la source du mal et du polythéisme qui s'est répandu au sein de l'humanité. Une fois que ceux qui avaient fait ces statues moururent, et que la science disparut, le diable revint aux générations suivantes en leur disant que leurs ancêtres invoquaient ces statues, et que ces statues faisaient descendre la pluie, qu'elles dissipaient les maladies, ainsi de suite. Et il ne cessa de leur suggérer cela jusqu'à ce qu'ils adorent ces statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Nuh alayhi salam, le premier des messagers envoyés aux gens sur terre. Et son récit nous est mentionné dans différents passages du Coran et on le trouve de façon détaillée au verset 25 à 49 de Surat Hud et nous allons aujourd'hui lire une partie de ces versets incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé en disant وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Nous avons envoyé Nuh à son peuple et il leur dit « Je suis pour vous un avertisseur explicite ». C'est-à-dire qu'après l'apparition du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Nuh alayhi salam afin qu'il appelle son peuple à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser le polythéisme, l'adoration et l'invocation des statues, et ainsi de suite. Il leur dit donc, « Je suis pour vous un avertisseur explicite, c'est-à-dire que je vous mets en garde contre le mal dans lequel vous êtes tombé, et je suis venu vous le clarifier. Pourquoi ?» Il dit ensuite, « Allah ta'boudou illallah, afin que vous n'adoriez qu'Allah, afin que toutes vos adorations ne soient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en dehors de tout autre que lui. » Que vous n'invoquiez qu'Allah, que vous ne demandiez la descente de la pluie qu'à Allah, que vous ne demandiez la guérison de vos maladies qu'à Allah, et ainsi de suite. Toutes vos adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en dehors de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et ces demandes ne doivent en aucun cas être adressées à autre qu'Allah. Il leur ordonna donc de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Puis il leur dit, « Inni akhafu alaykum adaba yawmin alim. » Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. C'est-à-dire que si vous ne vouez pas vos adorations à Allah seul, si vous ne me suivez pas, et si vous persistez dans votre polythéisme, alors je crains pour vous le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaye ici de les effrayer et de leur rappeler qu'ils se doivent de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif en cela est qu'ils se réforment, qu'ils corrigent leur situation, qu'ils reviennent à la voie de la droiture et qu'ils délaissent le polythéisme. Mais ils refusèrent de le suivre. Ils s'opposèrent à son message. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset suivant فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِيِّ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent, sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucun mérite sur nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. Les notables de son peuple, c'est-à-dire les nobles et les chefs, rejetèrent donc son message, comme il est coutume chez leurs semblables. Ils sont souvent les premiers à rejeter la vérité et à rejeter le message de leurs prophètes. Et ils justifient souvent leur rejet de la vérité par des prétextes illusoires, des prétextes qui ne sont basés sur aucun fondement et sur aucune preuve. Ils disent ici: Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et selon eux, le fait que Noé, alayhi salam, soit un homme est une raison valable et suffisante pour rejeter son message. Alors qu'en réalité, la raison veut que les hommes ne peuvent suivre et écouter qu'un autre homme semblable à eux. Un homme avec qui ils peuvent discuter, un homme avec qui ils peuvent échanger. Mais l'orgueil pousse les gens du faux à chercher tout prétexte, aussi faible soit-il, pour rejeter la vérité. Ils dirent ensuite: « Et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent. » C'est-à-dire que selon eux, ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam n'étaient que des gens vils, des gens qui n'avaient pas de rang social au sein de leur société. Ils ne faisaient pas partie des notables. Et en réalité, si tu médites sur cette question, les vrais nobles, ce sont en réalité ceux qui suivent la vérité. Et les gens vils, ce sont les gens orgueilleux, les gens qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui adorent des statues, des mausolées et autres, les gens qui rejettent la vérité et la méprisent en se pensant supérieurs aux croyants. Ce sont eux les gens vils. Les gens vils sont ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui invoquent des morts, ceux qui invoquent des statues. Les gens vils, ce sont ceux qui mécroient au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui suivent leurs passions et leurs désirs au détriment de la vérité. Quant aux croyants qui suivent la vérité, qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéissent aux ordres d'Allah et délaissent ses interdits, en réalité ce sont des gens nobles. Ce sont des gens qui méritent respect et considération, même s'ils n'ont aucun rang social au sein de la société. Ils méritent tout de même d'être respectés, d'être considérés. Et ils ajoutèrent ensuite que les suiveurs de Nuh alayhi salam l'avaient suivi. Comment? Sans réfléchir. C'est-à-dire qu'ils prétendirent qu'ils l'ont suivi sans se poser de questions, et que leur suivi, selon eux, est un suivi insensé, un suivi qui n'est pas basé sur la réflexion et sur la raison. C'est comme s'ils leur reprochaient d'avoir cru en Nuh alayhi salam sans prendre le temps de les consulter. Et ça, en réalité, c'est une preuve évidente de la véracité du message de Nuh alayhi salam. Pourquoi? Car la vérité, elle est tellement claire que toute personne à qui elle est présentée y croit immédiatement. Lorsqu'on te présente une chose qui est vraie, tu n'as pas de doute à son sujet. Tu n'as pas besoin de consulter qui que ce soit parmi les gens pour y croire et pour la suivre. Et seuls les orgueilleux comme ces notables la rejettent lorsqu'elle est représentée. Ils dirent ensuite: « Et nous ne voyons en vous aucun mérite sur nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. » C'est-à-dire vous n'êtes pas supérieurs à nous pour que nous vous suivions. C'est comme si pour eux la vérité, elle ne pouvait être acceptée que si elle nous est présentée par une personne supérieure à nous. Mais que si elle vient d'une personne inférieure à nous, d'une personne plus petite que nous, moins âgée, ou d'un rang social moindre, alors elle doit être rejetée. Et tout ceci est la conséquence de leur orgueil et de leur vanité. Car la personne modeste et la personne véridique, elle accepte la vérité sans se soucier du rang de celui qui lui a présenté. Car ce qui importe à la personne véridique, c'est le suivi de la vérité, d'où qu'elle vienne, peu importe qui lui a présenté, à partir du moment où c'est la vérité, lui incombe de la suivre et de l'accepter. Puis ils dirent: « Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. » Ils se sont donc basés sur leurs pensées. Ils n'ont pas dit « Nous savons que vous êtes des menteurs. » Mais ils ont dit « Nous pensons. » C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas la certitude. Mais ils ne se sont basés que sur des suppositions erronées pour rejeter la vérité. Et accuser quelqu'un de mensonge est une chose facile. Tout le monde peut le faire. Mais apporter les preuves que c'est un menteur est une autre affaire. Et souvent les gens du faux pour rejeter la vérité, ils vont accuser leurs opposants d'être des menteurs. Mais quelles sont leurs preuves? Quels sont leurs arguments pour affirmer que Nuh alayhi salam et ses suiveurs sont des menteurs? La réponse est qu'ils n'avaient aucun argument à cela. Et c'est pour cela qu'ils ont dit « nous pensons ». Et ils n'ont pas dit « nous savons ». Nuh alayhi salam rétorqua alors « Ya qawmi, ara'aytum in kuntu ala bayinatim min rabbi wa atani rahmatan min indih fa'ummiyat alaykum anulzimukumuha » Ô mon peuple, Voyez-vous si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, et qu'une miséricorde échappant à vos yeux est venue à moi de sa part. Devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugniez? Nuh alayhi salam, il leur dit, si j'ai la certitude de suivre une preuve évidente de mon Seigneur, mais que cette preuve vous échappe, que vous ne comprenez pas cela, que vous ne comprenez pas la vérité, devrais-je vous forcer à me suivre alors que vous refusez mon message? Il leur fait donc comprendre qu'il n'a pas autorité sur eux, mais qu'il ne fait que leur transmettre la vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il leur dit, « Waya qawmi, la as'alukum alayhi mala, in ajriya illa ala Allah. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. » C'est-à-dire, je ne vous demande pas de salaire en échange de votre foi. Je ne suis pas venu vous réclamer vos biens, mais je ne vous appelle qu'au suivi de la vérité. Et je fais cela recherchant l'agrément et la récompense de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ainsi sont les prophètes, alayhi salatu wa salam. Ce qui leur importe, c'est seulement que les gens suivent la vérité. Ils font cela et les appellent à cela, n'espérant que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme les notables de son peuple lui reprochaient d'être entouré de gens qu'il prétendait être vils, Nuh alayhi salam leur dit, وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا. Et je ne repousserai point ceux qui ont cru. C'est-à-dire qu'il ne me convient pas de repousser les croyants, sous prétexte que vous n'acceptez pas de croire avec eux. Au contraire, les croyants ont toute mon estime, tout mon respect et toute ma considération, même si vous, vous les méprisez. Moi, je ne les rejetterai pas. Ils resteront avec moi. Ensuite, il dit, إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. C'est-à-dire que même si vous, vous les méprisez, ils vont rencontrer leur Seigneur et Allah les rétribuera pour leur foi et pour leur piété au paradis. Même si pour vous ils sont vils, ils seront nobles et honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il leur dit, وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Mais je vous vois comme des gens ignorants. C'est-à-dire que le fait que vous m'ordonniez de chasser les croyants, de les éloigner de moi, et que vous rejetiez la vérité sous divers prétextes, comme le fait que les croyants ont eu la foi avant vous et ainsi de suite, parmi les faux prétextes sur lesquels vous vous basez pour rejeter la vérité. Tout ceci démontre votre ignorance en réalité. Puis Nuh alayhi salam continua d'appeler son peuple. Et il ne cessa de faire des efforts en cela. Jour et nuit, il les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, sans jamais se lasser en cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, au verset 5 de surat Nuh, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Ô Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, et se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. On voit donc que Nuh alayhi salam, il n'a cessé de faire des efforts pour appeler son peuple à la vérité. Et en voyant que Nuh alayhi salam restait ferme sur son appel et qu'il n'arriverait pas à le décourager, son peuple lui dit alors, Ya Nuh, قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ô Nuh, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Leur ignorance les poussa à réclamer la venue du châtiment. Au lieu de lui dire de continuer à leur expliquer la vérité, cette vérité qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, au lieu de chercher de s'enquérir à ce sujet en voyant la persistance de Nuh alayhi salam dans cet appel. Cela aurait dû attirer leur attention sur le fait que cet appel est un appel de vérité et qu'ils devraient chercher à comprendre cet appel, comprendre son message. Mais en raison de leur ignorance et de leur égarement, ils ont plutôt réclamé le châtiment. Alors Nuh alayhi salam leur dit, قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Il dit, C'est Allah seul qu'il vous l'apportera, s'il le veut, et vous ne saurez y échapper. C'est-à-dire que la venue du châtiment, cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le châtiment viendra, vous ne pourrez pas y échapper, et vous ne pourrez pas l'empêcher de venir. Et moi-même, je ne pourrai rien faire et je ne peux pas décider de sa venue. Mais sa venue ne peut être décidée que par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il leur dit, Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de toutes choses. S'il veut vous égarer, je peux vous prodiguer autant de conseils que je veux, je ne pourrai pas vous guider quels que soient les efforts que je prodigue sur ce chemin. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les cœurs de ses serviteurs entre ses mains. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Aussi nombreux soient mes efforts, aussi nombreux soient mes conseils, je ne pourrai pas vous guider sauf si Allah le veut. Après cela, voyant l'entêtement de son peuple, Nuh alayhi salam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le trouve au verset 26 de Sourate Nuh. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Et Nuh dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs mécréants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonna ensuite à Nuh alayhi salam de construire l'arche, et c'est ce que l'on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala. On tire donc de cette partie de ce récit de nombreux enseignements. Premièrement, on voit à travers cela le danger de l'exagération à l'égard des pieux, et le danger de faire des représentations à leurs effigies, que ce soit des statues ou autres. En effet, comme vous l'avez entendu, l'amour des vertueux a conduit le peuple de Noé, alayhi salam, à une grande tristesse après leur mort. Le diable profita alors de cela pour les pousser à faire ces statues, ces représentations à l'effigie de ces hommes vertueux. Et au départ, ils n'ont pas fait ces statues pour les adorer, mais ils ont fait ces statues simplement pour se rappeler d'eux. Mais petit à petit, génération après génération, la science a disparu et les gens se mirent à adorer ces statues. Donc, les représentations d'êtres doués d'âme, que ce soit une statue, que ce soit une photo, que ce soit un dessin ou autre, ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Et ceci fait d'ailleurs partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, les gens qui auront le châtiment le plus dur au jour de la résurrection, ce sont les faiseurs d'images. Et entre dans cela, comme l'ont dit les gens de science, celui qui sculpte une statue, le peintre qui fait un tableau, une peinture, ou encore le photographe lorsqu'il prend une photo d'un être doué d'âme. Et même si au moment où tu prends cette photo, où tu fais cette peinture, où tu fais cette sculpture, tu ne fais pas cela avec l'intention d'adorer l'être que tu sculptes, ou l'être que tu dessines, ou l'être que tu prends en photo, tu dois savoir que le peuple de Nuh, alayhi salam, n'avait pas cette intention non plus. Malgré cela, avec le temps, ces statues ont fini par être adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il peut en être de même avec un tableau, un dessin ou une photo, Allah musta'an. Deuxièmement, on voit à travers ce récit que Nuh alayhi salam vint à son peuple avec comme message principal le même message que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 59 de sourate Al-A'raf: "Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh." Nous avons envoyé Nuh vers son peuple et il dit: "Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de vrai Dieu en dehors de lui." Le même message avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a appelé son peuple à reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Et ceci en réalité c'est l'appel de tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 36 de sourate An-Nahl: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, Adorez Allah et écartez-vous du tagout, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prophètes alayhimu salatu wa salam, la base de leur prêche était la même. Ils appelaient tous à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers à différents peuples et à différentes époques pour appeler les gens à un seul et même message, ceci nous démontre quoi? Ceci nous démontre l'importance de ce message. Ceci nous démontre que ceci est la base fondamentale sur laquelle doit être basé tout prêche. Lorsque tu souhaites appeler quelqu'un à l'islam, la chose à laquelle tu dois l'appeler en priorité, c'est avouer un culte exclusif à Allah, comme l'ont fait les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et on ne commence pas par autre que cela. On ne commence pas à appeler les gens à la prière ou au jeûne du mois de Ramadan ou à ne plus manger de porc. Ou autre chose encore que les gens font aujourd'hui. Mais la chose principale à laquelle il convient d'appeler les gens, c'est à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah et à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les prophètes alayhimu salatu wa salam. Et également, on voit à travers cela que cette question ne doit pas être négligée, car Allah subhanahu wa ta'ala y a accordé la plus grande importance en envoyant l'ensemble de ses messagers alayhimu salatu wa salam avec cet appel. Puis aujourd'hui, des gens viennent à nous et nous disent: qu'avez-vous à sans cesse parler de tawhid? Les gens sont musulmans et ils adorent Allah. Pourquoi leur parlez-vous de tawhid? Ou alors, le tawhid est une chose qui peut être comprise en quelques minutes. Pourquoi y accorder autant d'importance? Subhanallah. Ces paroles sont réellement des paroles d'ignorance. Ces paroles sont des paroles d'une personne qui ne médite que très peu le Coran lorsqu'elle le lit. Ne voyez-vous pas tous ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse cet ordre? Ne voyez-vous pas tous ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne les récits de ses prophètes, alayhimu salatu wa salam, et qu'ils sont tous venus avec ce même message? Si ce message n'avait pas d'importance, pourquoi se répète-t-il autant dans le Coran? Donc tout ceci nous démontre que nous devons donner de l'importance à ce message, qui est le message principal de la religion de l'islam et sur lequel repose la validité de l'ensemble de nos œuvres. Car celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vrai monothéiste. Quant à celui qui donne des associés à Allah, aussi nombreuses soient les adorations qu'il voue à Allah, comme prière, comme invocation, comme jeûne, comme aumône, à partir du moment où il invoque autre qu'Allah, qu'il se prosterne pour autre qu'Allah, qu'il fait des sacrifices pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme en vouant des sacrifices à des morts auprès des mausolées, alors celui-ci, aucune de ses œuvres n'est acceptée. Et s'il meurt dans cette situation, le paradis lui sera interdit. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque donne des associés à Allah, le paradis lui est interdit. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et son refuge sera le feu et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Donc tout ceci nous montre la nécessité de donner de l'importance à la concrétisation du tawhid, en vouant notre culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et en nous écartant de toute forme de polythéisme, quel qu'il soit. Troisièmement, on tire comme enseignement de ce récit que la voix des gens du faux dans le rejet de la vérité est la même jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens, lorsqu'on les appelle à la vérité, à la droiture, ils vont venir avec les mêmes arguments que le peuple de Nuh, alayhi salam. On a vu leur premier argument, c'est quoi? Tu n'es qu'un homme comme nous. Et aujourd'hui, lorsque tu appelles quelqu'un à la vérité, il se peut que son orgueil le pousse à te dire: mais qui es-tu, toi? Qui es-tu pour me conseiller? Te penses-tu supérieur à moi? Tu penses mieux savoir que moi? Ou d'autres choses encore. Nombreuses sont les personnes à dire cela pour rejeter un conseil, pour rejeter la vérité. On voit aussi aujourd'hui que les mécréants, pour dénigrer l'islam, qui est la religion de vérité, ils vont souvent tenter de faire passer les musulmans pour des faibles d'esprit ou des gens qui ne réfléchissent pas. Si quelqu'un est guidé à l'islam, ils vont dire qu'il s'est fait manipuler. Alors que toute personne objective et véridique qui se penche sur cette religion ne pourra qu'admettre que l'islam est la religion de vérité. Mais pour eux, quelqu'un qui entre en islam, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. Également, si une femme musulmane met le voile, ils vont faire croire aux gens qu'elle est forcément contrainte par un homme. Comme si une femme douée de raison ne pouvait pas d'elle-même préférer la pudeur au dévergondage, comme si la raison était de s'exhiber et se dénuder, et ainsi de suite. Ils font donc tout pour ternir l'image des musulmans aux yeux de l'opinion publique, afin de quoi? Afin d'éloigner les gens de la vérité. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Quatrièmement, on tire comme enseignement de ce récit la sincérité des prophètes dans leur prêche. Comme on l'a vu, Nuh alayhi salam, il rappelle à son peuple qu'il n'attendait aucun salaire, mais il ne veut que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il les appelle à la vérité. Il cherche à les sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en les appelant à la vérité. Et c'est ainsi que doit être le musulman véridique dans son appel. Il ne doit rien attendre en retour de son appel, si ce n'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, on tire comme enseignement de ce récit l'importance de patienter dans le prêche. Et nous avons en Nuh alayhi salam un excellent modèle de patience, qui restait près de 1000 ans à appeler son peuple à la vérité, malgré leur refus, malgré leurs mauvaises paroles, malgré leur mépris, malgré leur entêtement et leur obstination, il continua durant toutes ces années, de discuter avec eux et de les appeler à la vérité. Donc de la même manière, lorsque tu souhaites appeler quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, ou lorsque tu souhaites appeler quelqu'un à la droiture, au repentir, au délaissement d'un péché, à l'accomplissement d'une obligation, et ainsi de suite, tu dois faire preuve de patience. Même si la personne te méprise, même si la personne en face de toi fait preuve d'un mauvais comportement, qu'elle prononce des mauvaises paroles, qu'elle te dénigre, tu dois tout de même patienter et continuer dans ton appel en espérant à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te rappeler que les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que si Allah veut, il guidera cette personne et il ne t'incombe que de transmettre le message. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, wa ma alayka illa al-balagh. Et il ne t'incombe que de transmettre. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Nous, il ne nous incombe que de transmettre, de faire des efforts pour transmettre la vérité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Enfin, sixièmement, on voit une fois de plus à travers ce récit le danger de l'orgueil, qui consiste, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à mépriser les gens et à rejeter la vérité. Regardez le peuple de Nuh alayhi salam qui ont rejeté la vérité, pourquoi? Sous prétexte que Nuh alayhi salam était suivi par des gens vils, comme il le prétendait. Donc l'orgueil, c'est une maladie très dangereuse. Et beaucoup de personnes souffrent de cette maladie et rejettent la vérité en raison de cet orgueil. Si une personne moins âgée qu'eux vient à eux pour les appeler à la vérité, ils disent « Mais qu'a-t-il celui-ci? Que veut-il? Que veut-il cet enfant ?» Ou d'autres paroles méprisantes. Ou alors, si la vérité vient à eux d'une personne qui leur est étrangère, qu'ils ne connaissent pas, ils refusent cette vérité. Donc le musulman, il doit faire preuve de modestie. Et tu dois accepter la vérité, peu importe la personne qui te la présente. Même si elle est moins âgée que toi, même si en apparence elle a moins de science que toi, il se peut qu'elle ait une science sur ce sujet que toi tu as ignoré. Même si la vérité, elle t'est présentée par un mécréant, tu te dois de l'accepter. Quelqu'un pourrait dire, mais comment un mécréant va venir me présenter la vérité? La réponse, elle est très simple. N'est-il pas possible qu'un mécréant te blâme pour un mauvais comportement que tu as eu? Cela est possible. Et dans cette situation, il t'incombe d'accepter la vérité et de te corriger, te réformer. À partir du moment où ce qui t'a été présenté est vrai, alors tu te dois de l'accepter. Ceci était donc quelques leçons et quelques enseignements tirés de ce récit. On verra demain, inshallah ta'ala, la suite des versets. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم